fatigue n'auront point. J'ai bougé la capulerie jusqu'à Saint-Ouen. J'roulais en fumant le shit et ils m'ont levé 5 points. Tu veux que je chante? Pour tous c'est 104. Tu t'es plein de j't'incule, mais t'es venu sans couille. Dans le game sans casse, appelle-moi en cas. J'donne rendez-vous au bonheur, il t'est pas au rencard. J'suis dans le rang du gars, j'écoute la patate. Pendant que ça décharge des kilos dans des hangars. Eh ouais, mon gars, la vie c'est pas un manga. J'peux partir de bain, mes albums sur la banque. Et ça fait bang, charmant comme un dingue, dingue. Le kill est single, il sort le flingue, flingue. Dans le bain, de éteins les formes, toi sur le tech, tech. Faut pas que ça voit nos têtes, c'est aller deck, deck, deck. J'pose, y'en a qui sert. J'fais bouger les enfants des juges, des commissaires. J'suis sur Omnisphère. J'viens de ce monde où il faut se battre. Et souvent les faibles finissent fort. J'pose, y'en a qui sert. J'fais bouger les enfants des juges, des commissaires. J'suis sur Omnisphère. J'viens de ce monde où il faut se battre. Et souvent les faibles finissent fort. Tu reconnais les mauvais garçons. Tu connais, faut faire les sous, mettre de côté les blèmes à la maison. Tu sens dans la zone. Sont jaloux, mais bon, chacun a ses raisons. Tu reconnais les mauvais garçons. Tu connais, faut faire les sous, mettre de côté les blèmes à la maison. Tu sens pas rien dans la zone. Sont jaloux, mais bon, chacun a ses raisons. Moi, je dis pas là, une cagoule, une cala. Gros pétard de canard, tu me cherches pas là. Cherche comme un meudard, poche dans le virage, j'esquive les motards. Détaille la plaque, j'connais l'exercice. Sur le terrain, lunettes or comme David. Elle m'a ajouté les 3h du mat. 3h20, j'connais tous ses vices. Devais monter allemand. Blue Magic de Hollande. Parle-moi de bif, j'ai pas le temps. J'suis au volant de la soucoupe volante. Qu'elle appelle à un carter. J'vais casser ma puce, ouais, rien qu'elle deux. J'suis pas là. J'fais plafonner le compteur. Génération Scarface dans toute sa splendeur. J'fais hella. Chemise à fleurs, Tony Miami. Gyrophare, j'accélère, hey néné. J'veux crever les crânes comme Mohamed Enné. J'encaisse leur coup de pute comme Mohamed Ali. Tu reconnais les mauvais garçons. Tu connais, faut faire les sous, mettre de côté les blèmes à la maison. Tu sens pas rien dans la zone. Sont jaloux, mais bon, chacun a ses raisons. Tu reconnais les mauvais garçons. Tu connais, faut faire les sous, mettre de côté.